الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa auladi adam wa hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, après ceci, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fil islam, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé de Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, wa nas'alu lahu afdal as-salat wa azka as-salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Bima an al-atfal fi 'utla madrasiyah, comme les enfants sont actuellement dans des vacances scolaires, fa kalimati al-yawm muwajjaha khususan lish-shabab, donc mon intervention d'aujourd'hui est dirigée spécialement aux jeunes. Wa bima annana fi fasl al-kharif, et comme on est actuellement dans la saison d'automne, fasl yudhakkiru bil-maut, une saison qui fait rappeler aux musulmans la mort. وبما أن يوم الثلاثاء القادم بفرنسا هو عيد الأموات الذي يتبع عيد كل الصالحين الذي سيكون يوم الاثنين القادم. Et comme ce mardi prochain en France il y aura la fête des morts qui suit la Toussaint qui aura lieu lundi. فبهذه المناسبة أو بهذه المناسبات donc pour toutes ces occasions سأتكلم عن الموت. Je vais parler aujourd'hui de la mort. ولكن قبل الكلام عن الموت سأتكلم أولا عن الحياة. Mais avant de parler de la mort, je vais d'abord parler de la vie. عن الهدف min al-hayat, je vais parler du but ou de la finalité de la vie. Akhi, ukhti, hal sa'alta nafsaka walaw marra, frère, sœur, est-ce que tu t'es posé la question à toi-même même une seule fois, limadha anta huna fi hadha al-alam, pourquoi tu es dans ce monde là, ma huwa dawruk أو ما هو المطلوب منك, quelle est ta mission ou qu'est-ce qu'on te demande de faire dans ce bas monde. الجواب في آيتين, la réponse se trouve dans deux versets coraniques. الأولى, le premier verset, يقول الله الذي خلق, الذي خلق هو الله, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الهدف من خلق الحياة والموت أو الموت والحياة ليبلوكم ليجربكم ليراكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui créa, c'est-à-dire le créateur c'est Dieu, celui qui créa la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. وهو العزيز الغفور, et il est le tout puissant et l'absoluteur infini. انت هنا للابتلاء, tu es là dans cette vie ici-bas pour subir les épreuves. للاختبار, min taraf Allah, afin de subir des tests de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Allah, Al-Aziz, yara a'malak. Dieu, le Tout-Puissant, regarde, observe toutes tes œuvres. Ya tura, hal satakunu al-ahsan? Est-ce que mon frère ou ma sœur, tu seras le meilleur en œuvre? Hal satakunu al-ahsan a'mala? Al-aya thaniya, le deuxième verset, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa hasr illa لماذا ليعبدون ليعبدوني نقول ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les humains que, c'est-à-dire uniquement pour cela. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. دورك في الدنيا هو عبادة الله فقط. Ton rôle, ta mission dans ce bas monde se résume uniquement dans l'adoration de Dieu. Dieu t'a créé pour cela. Al-ibada fil arabiyya ta'ni at-tadhallul wal-khudu' aw at-ta'a. Le mot ibada, le mot adoration en arabe signifie l'humilité et l'obéissance. أخي أختي فهل أنت عابد لله frère ou sœur es-tu un adorateur de Dieu بمعنى هل أنت متذلل أمام الله طائع لكل أوامره. Ceci signifie es-tu humble devant Dieu, es-tu obéissant devant tous ses ordres أم أنت عاص لله. Ou bien es-tu un désobéissant à Dieu, ta'i' li nafsik, obéissant à ton ego, à ta propre âme. Ta'i' bima'na 'abid, al-'ibada hiya at-ta'a. Ça veut dire adorateur de ton ego, ta'i' li shahawatik wa ahwa'ik, bima'na 'abid. Al-'ibada hiya at-ta'a. Ma'na 'abid li shahawatik wa ahwa'ik. Es-tu obéissant à tes désirs et à tes plaisirs et à tes passions? Ça veut dire que tu es un adorateur. L'adoration, c'est l'obéissance. Ata'i' li shaytanik, bima'na 'abid li shaytanik, obéissant à ton Satan, à ton démon. Ça veut dire adorateur à ton Satan. Khalaqaka lahu. Il t'a créé spécialement pour lui, Allah, pour lui. Il t'a doté de la vie afin que tu l'adores. Et tu as profité de la vie qu'il t'a donnée pour adorer d'autres types de fausses divinités. Et maintenant, je vais parler de l'instant de la mort. Akhi, ukhti, frère, sœur, takhayyal nafsak ala firash al-maut. Imagine, toi, sur le lit de la mort. Intahat hayatou. Ta vie que Dieu t'a donnée maintenant a pris fin. Ha huwa malakul maut bijanibik. Et voici l'ange de la mort, le redoutable ange de la mort, est à proximité de toi. Al-an sayakhudhu ruhak. Maintenant, il va prélever, il va prendre ton âme. Ahbabuk asdiqa'uk bijanibik yabkun. Tes bien-aimés, tes proches, tes amis autour de toi en train de pleurer. La man yastati'u an yamudda fi hayatik. Et personne parmi eux ne peut prolonger ta vie. Bada'at sakaratul maut. Les affres de la mort ont démarré. Ahsasta bi'adabin la yastati'u ahadun wasfa. Et tu as ressenti une douleur suprême que personne n'arrive à décrire. من فضلك s'il te plaît قبل أن تموت أسألك avant que tu décèdes je te pose cette question هل حققت الهدف من حياتك as-tu réalisé le but de ta vie وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent هل حياتك كانت عبادة خالصة لله est-ce que ta vie était une adoration complète pure sincère pour Dieu ما الذي منعك qui t'a empêché de le faire ما الذي ألهاك عن العبادة qui t'a détourné de l'adoration qu'est-ce qui t'a fait ou qu'est-ce qui a fait ta distraction ألم تكن تعرف أنك ميت ne savais-tu pas que tu es mortel et tu allais mourir un certain jour ألم تستعد طول حياتك لهذه اللحظة لحظة الموت est-ce que tu ne t'es pas préparé pendant toute ta vie pour cet instant de la mort ألك عذر as-tu une certaine excuse أكنت أحمقا est-ce que tu étais un fou qui ne possédait pas la raison أتركك الآن مع سكرات الموت je te laisse maintenant dans les affres de la mort أمام ملك الموت devant le redoutable ange de la mort لأتكلم مع الشباب pour parler avec les jeunes عادة الشباب في زماننا يكرهون العمل habituellement les jeunes à notre époque les contemporains détestent le travail يكرهون العبادة détestent l'adoration يكرهون القوانين واحترام القوانين يريدون أن يعيشوا بلا قوانين ils détestent les lois, les règles qui organisent la vie en commun. Ils ne veulent même pas respecter ces lois ou ces règles. Ils veulent vivre sans loi, sans règles, sans règlement. يكرهون الواجبات يحبون الحقوق يطالبون دائما بالحقوق من غير أداء للواجبات. Ils détestent les devoirs et ils aiment beaucoup les droits. Ils réclament toujours des droits, mais ils ne veulent pas accomplir les devoirs. Et il n'y a pas un droit sans devoir. يحبون الأهواء والشهوات. Ils aiment un amour fou, les passions et les désirs et les plaisirs. وأعطي بعض الأمثلة. Et je donne quelques exemples. أولا, premièrement, اللعب, le jeu. نحن في زمان اللعب. On est actuellement dans un monde de jeu. هناك الشاب الذي يمضي الساعات الطوال في اللعب. Il y en a le jeune qui passe des heures et des heures, des longues heures dans le jeu, PlayStation et autres. Je ne sais même pas, je ne connais même pas les noms. ويضيع الصلوات et il rate les prières يضيع واجباته il rate ses propres devoirs كأنه خلق للعب comme s'il a été créé pour le jeu comme si Dieu a dit وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils jouent قالوا كل ما يلهي عن ذكر الله فهو ملعون. On dit que toute chose qui détourne de l'évocation de Dieu est maudite. ثانيا, deuxièmement, السجاير, المخدرات, الخمور, les cigarettes, la drogue et l'alcool. هذه الثلاثة تمثل الآن عند الشباب الحرية والشجاعة. Ces trois, cigarettes, drogue, alcool, représentent chez les jeunes contemporains, représentent la liberté, l'émancipation, le courage. وتمثل نسيان المشاكل représente l'oubli des problèmes quotidiens وهي كلها محرمة في الإسلام et ces trois dans leur totalité sont interdits en islam فهي تمثل الجبن ces trois représentent la lâcheté الهروب من الواقع la fuite de la réalité تخريب للجسم الذي لا نملكه la destruction totale et massive du corps qui nous appartient pas وليس الحق في ذلك ليس لنا الحق في تخريب هذا الجسم الجسم ليس لك هو لله أمانة عندك on n'a pas le droit en islam de détruire son propre corps parce que le corps appartient à Dieu c'est un dépôt qui porte ton âme ou dans lequel ton âme habite ثالثا troisièmement العلاقات المحرمة مع الفتيات troisièmement les relations interdites avec les filles فالحياة الجنسية حاجة من حاجيات الإنسان الكثيرة حاجيات الإنسان كثيرة ومن بينها حاجة اسمها الجنس La vie sexuelle est un besoin parmi de nombreux besoins de l'homme. Les besoins de l'homme sont infinis. Et parmi tous ces besoins, il y a un qui s'appelle la vie sexuelle. Il y a un besoin de respiration. Il y a le besoin de manger. حاجه الشراب le besoin de boire حاجه التعلم le besoin d'apprendre الى اخره etc ولكن الناس ضخموا الحاجه الجنسيه mais les gens d'aujourd'hui ont gonflé ont amplifié le besoin sexuel حتى صارت الحياه الحاليه مبنيه على الجنس Jusqu'au point que la vie moderne, la vie actuelle, est devenue basée surtout sur la vie sexuelle. وأذكر أن الله خلق في الإنسان الحاجة الجنسية. Je rappelle que Dieu a créé en l'homme ce besoin sexuel من أجل التناسل, dans le but de la reproduction. لتبقى الأرض عامرة. Afin que la terre reste peuplée d'hommes jusqu'au rendez-vous donné par Dieu subhanahu wa ta'ala. وجعل هذه الحاجة قوية عند فترة الشباب. Et Dieu a fait telle sorte que ce besoin devient maximum ou maximal lors de la jeunesse, lors de l'adolescence. مفقودة قبل سن الشباب. Ce besoin est inexistant avant la jeunesse. وهذه الحاجة تصغر بعد سن الشباب حتى تضعف مع الكبر مع الشيخوخة et ce besoin diminue progressivement avec l'âge jusqu'au point de devenir nul vers la vieillesse والهدف هو دفع الشباب إلى الزواج le but recherché par Dieu c'est de pousser les jeunes vers le mariage l'islam a canalisé ce besoin dangereux il l'a canalisé par le mariage qui est halal لماذا الزواج pourquoi le mariage les tanasul pour la reproduction ولكن الشباب اليوم Mais le problème, les jeunes d'aujourd'hui ont abandonné, ont renoncé au mariage. Ou ils l'ont reculé vers un certain âge tardif. Et ils ont vécu dans des relations strictement interdites. Et même lorsqu'ils se marient, ils n'enfantent pas. أو لا يلدون إلا قليلا ou lorsqu'ils se marient ils enfantent mais peu un enfant maximum deux رابعا quatrièmement الموسيقى والرقص la musique et la danse الموسيقى صارت عند الشباب اليوم كحاجة التنفس La musique est devenue chez les jeunes d'aujourd'hui comme le besoin de respirer. يعني لا يمكن لهم الحياة من غير موسيقى. Ça veut dire il est impossible pour eux de mener une vie normale sans la musique. في السيارة, en voiture, في البيت, dans la chambre, مع الأصحاب, avec les copains, إلى آخره, etc. أما في الإسلام, tandis que en islam, في الإنشاد يبقى حالة استثنائية في أيام العيد أو في الأعراس. Le fait de chanter ou d'utiliser les chants, et je dis bien religieux, reste un cas exceptionnel en islam. On ne doit pas écouter ça tous les jours. Ou à tous les moments, ça reste une exception pour la journée de la fête, ou la journée, ou les soirées de fête de mariage, etc. والآن عند شباب اليوم الاستثناء صار هو القاعدة العامة. Aujourd'hui, chez les jeunes contemporains, l'exception fait la règle générale de tous les jours. وأغلب غناء وموسيقى اليوم حرام. Et la majorité de la musique et des chansons d'aujourd'hui sont interdits. بعد هذه الأمثلة الأربعة, après ces quatre exemples, التي خربت الشباب اليوم تخريبا, ces quatre exemples qui ont détruit totalement la jeunesse d'aujourd'hui. فهم يحبونها حبا جما. Eux, ils aiment ces quatre un amour fou. وممكن أن الشاب أو الشابة يقطع العلاقة مع والديه من أجل هذه الأربعة. Et il est possible, et plus que possible, qu'aujourd'hui le jeune ou la jeune coupe toute relation avec ses parents à cause de ces quatre ou l'un de ces quatre destructeurs. هذه الأربعة المدمرة. أقول للشباب, je dis aux jeunes, تخيل أننا نزعنا عنك كل الواجبات. Imagine mon frère ou ma sœur qu'on t'a épargné de tout devoir. الدراسة, la scolarité, العمل, le travail, المساعدة في البيت, la participation aux travaux dans le foyer, إلى آخره, etc. لا دراسة ولا عمل, ni scolarité ni travail, فقط الراحة والنوم, seulement ce que tu adores, seulement ce que tu aimes, le repos et le sommeil. ولك المال الذي تريد عشرات الالاف من الاوروهات في الشهر. Et tu as tout ce que tu veux sans travailler, des dizaines de milliers d'euros par mois. العب طول حياتك, joue pendant toute ta vie. دخان, cigarette, مخدرات, drogue, خمور, alcool, كما تشاء, comme tu veux. آلاف البنات الجميلة من حولك كما تشاء. Des milliers de jeunes et belles filles autour de toi, comme tu veux. حياتك كلها لهو ولعب وضحك. Et ta vie entière devient un ensemble de distractions, de jeux et de rires. وبعد 50 سنة يأتي ملك الموت. Et après 50 ans, supposons que tu as 20 maintenant. نتخيل عندك 20 اليوم, 20 سنة. Après 50, ça veut dire à 70 ans par exemple, l'ange de la mort fera sa visite. بدأت سكرات الموت. Les affres de la mort démarrent. بدأ العذاب العظيم. La souffrance immense démarre. وحولك الأموال, autour de toi il y a la fortune, les euros, الألعاب, toutes les sortes de jeux, المخدرات, la drogue dans toutes ses formes, الخمور, toutes les sortes de vins et d'alcool, de whisky autour de toi, البنات, des milliers de jeunes et belles filles autour de toi. وملك الموت أتى, et l'ange de la mort est arrivé. هل سينفعونك, vont-ils te servir. vont-ils être profitables à toi? Vont-ils éloigner de toi l'ombre, la silhouette de la mort? هل ستموت سعيدا لأن أحبابك بجانبك المخدرات والبنات والأموال؟ Vas-tu mourir heureux parce que à côté de toi, lors de ta mort, il y a les filles, il y a la drogue, il y a l'argent, il y a les jeux? ولأنك عشت كما تشاء في السعادة التي تحب. Vas-tu mourir heureux parce que pendant la moitié d'un siècle, tu as fait tout ce que tu voulais? أم ستندم أو vas-tu regretter لأنك فعلت عكس ما طلب الله منك ما طلب منك سيدك ومولاك أو vas-tu regretter parce que pendant la moitié d'un siècle tu as fait totalement le contraire de ce que ton maître et seigneur Allah t'a demandé والآن بعد الموت ستقف أمامه. Et maintenant, juste après la mort, tu vas t'arrêter devant lui. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. أَنْتَ لَمْ تَعْبُدْ Allah. Toi, tu n'as pas adoré Allah. وَإِذَا نَدِمْتَ عِنْدَ الْمَوْتِ. Si tu regrettes lors de la mort, لأنك كنت أعمى في الدنيا parce que tu étais aveugle dans ce bas monde. كنت أحمقا tu étais un fou. كنت ضعيفا tu étais un faible. كنت جبانا tu étais un lâche. كنت طفلا tu étais un enfant qui n'arrive pas à résister devant ses envies. إذا ندمت عند الموت هل سينفعك الندم؟ Si tu regrettes lors de la mort, est-ce que le regret te sera profitable? Est-ce qu'il va te servir à quelque chose? Pharaon, عاش كما شاء. Pharaon a vécu comme il voulait. وسط الملذات, au centre, au milieu des plaisirs. والشهوات, au milieu des désirs. والأموال, au milieu des grandes fortunes. والموسيقى والرقص, au milieu de la musique et de la danse. وسط القصور, au milieu des palais pharaoniques. عاش ملكا, عاش إلها. Pharaon a mené une vie de roi, de grand empereur, empereur divin. Il s'est autoproclamé Dieu. الناس تسجد عند رجلي. Les gens se prosternaient à ses pieds. لن تستطيع أبدا أن تصل إلى حياة فرعون. Jamais tu ne pourras vivre le luxe et les plaisirs pharaonique. ورغم ذلك, et malgré cela, فرعون عند الموت. Pharaon, lors de la mort, noyé au milieu de la mer rouge. عند الموت غرقا وسط البحر الأحمر. ندم. Lors des affres, il a regretté. وآمن. Et il a cru. ولكن الله رفض إيمانه. Mais Dieu a refusé sa foi, a refusé sa croyance tardive. أخي أختي, frère, sœur, أخي المتحرر من الدين, frère émancipé de la religion. قال كن متحرر, on dit que tu dois être émancipé. Je dis oui. أقول نعم. يجب أن تكون متحررا. Tu dois être un émancipé. ولكن مش متحرر من الدين. Mais mon frère ou ma soeur, tu ne dois pas être émancipé de la religion. كن متحررا من عدم الدين. كن متحررا من البعد من الدين. Sois émancipé mais de l'anti-religion. Sois émancipé de la distraction loin de Dieu. C'est ça la vraie émancipation. أخذ أخي أختي, frère, sœur, أخذ الآن ملك الموت روحك. L'ange de la mort maintenant a saisi ton âme, a pris ton âme. Tu es mort. مت. وضعت في القبر. on t'a placé dans la tombe. Sarta wahdak taht al-ard. Maintenant, mon frère ou ma sœur, imagine avec moi, tu es seul dans les ténèbres de la tombe. Bada'a 'adabul qabr. Le châtiment affreux de la tombe a démarré. Ishta'ala al-qabr naran. La tombe est embrasée totalement par le feu. Ta'abin, afa'i, aqarib, des serpents, des vipères, des scorpions de toute nature autour de toi. Anta tasrukh, anta tabki. Tu es en train de crier, tu es en train de pleurer. Hal yanfa'uk al-an al-an al-la'ib? Est-ce que le jeu va te servir maintenant? Combien de temps tu as passé dans ta vie dans le jeu? Hal yanfa'uk al-an al-banat al-jamilat? Est-ce que maintenant les jeunes et belles filles vont te servir? Hal yamna'uk al-an al-khamr wal-mukhaddirat? Est-ce que maintenant l'alcool et la drogue vont te servir? Akhi, ukhti, frère, sœur, wa anta fi 'adab al-qabr alladhi la yutahammal. Et comme maintenant tu es dans la souffrance extrême, insupportable du châtiment de la tombe, aqulu lak هل تطلب شيئا؟ Je m'approche de toi pour te dire, tu demandes quelque chose? تقول نعم. Oui. ماذا تطلب؟ Qu'est-ce que tu demandes? أريد أن أعود للحياة لفترة الشباب. Je veux revenir à la vie, à la période de la jeunesse. لماذا؟ Pourquoi? لأعبد الله. Pour adorer Dieu. هل أنت صادق أم كاذب؟ Es-tu sincère ou tu es menteur? Là, non. Uqsim billah, inni sadiq. Akhrijouni min hada al-adab. Je jure par Dieu que je suis sincère. Faites-moi sortir de ce châtiment. Akhi, ukhti, frère, sœur, ha anta hayyun fi fatrati shabab. Frère ou sœur, cher frère ou sœur, te voici vivant en pleine jeunesse. هل ستعبد الله كما قلت وكما أقسمت؟ Vas-tu maintenant adorer Dieu comme tu l'as dit quelques secondes auparavant et comme tu l'as juré قبل قليل لما كنت في القبر, lorsque tu étais encore dans la tombe. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sage lui dit, سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Sept seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aurait aucune ombre à part la sienne. وذكر من بينهم شاب نشأ في عبادة الله. Et le prophète prière et sage lui a cité un jeune qui a grandi dans l'adoration, dans l'obéissance à Dieu. أخي أختي, frère, sœur, أسألك بالله, je te demande au nom de Dieu, لا تضيع شبابك في الملذات. Ne rate pas, ne perds pas ta jeunesse dans les plaisirs qui ne servent à rien. اغتنم فرصة الشباب لحيازة الظل الإلهي. Profite de l'occasion de la jeunesse pour avoir enfin l'ombre de Dieu. يا شباب الإسلام وفقكم الله. Ô jeunes d'Islam, que Dieu vous aide. يا رجال الغد للإسلام هداكم الله. Ô hommes de l'avenir de l'Islam, que Dieu vous guide. وفي الأخير أوصيكم ونفسي بتقوى الله. À la fin, je vous recommande et à moi-même la piété de Dieu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci, adorateurs de Dieu, شباب الإسلام, jeunesse musulmane, قبل أن نتفارق, avant qu'on se quitte, أعطيكم بعض النصائح العملية لعبادة الله تنفعكم عند الموت وعند القبر وعند الوقوف أمام الله. Je vais vous donner avant de nous quitter quelques conseils pratiques pour adorer Dieu qui vont vous servir au moment de la mort, dans la tombe et au moment où vous passez devant Dieu. أولاً, premièrement, المحافظة على الصلوات بخشوع وتدبر. Respecter les prières, faire les prières à l'heure avec recueillement et concentration et méditation. وخصوصاً صلاة الفجر. قبل طلوع الشمس بالليل. Et surtout la prière de l'Fajr. Il faut la faire pendant la nuit, avant le lever du soleil. فصلات الفجر هي مقياس أو ميزان الإيمان في القلب. La prière de l'aube représente la jauge, la mesure ou la balance qui pèse la quantité de la foi qui se trouve dans le cœur. حاول أخي أختي أن تتذوق حلاوة الفجر. Frère ou sœur, essaye de goûter à la douceur de la prière de l'Fajr pendant la nuit et pendant toute ta vie. ثانياً, deuxièmement, صلاة الجماعة في المسجد ولو مرة في اليوم حسب ما يناسبك. La prière en commun ou la prière commune dans la mosquée, même une fois par jour, selon tes disponibilités. Thalithan, troisièmement, al-istima' li khutbat al-jumu'ah, kull usbu'. Écoutez le sermon du vendredi chaque semaine. Fa'innaha zadul muslim ar-ruhi al-usbu'i. Parce que le discours du vendredi représente l'alimentation spirituelle hebdomadaire de chaque musulman. Idha kunta la tastati' al-hudur lid-dirasa aw al-amal, dans le cas où tu es incapable d'être présent avec nous à cause du travail, à cause de l'école, ala al-aqal yawm al-jumu'a bil-layl aw ghayr yawm al-jumu'a, au minimum la soirée ou le soir du vendredi ou un autre jour, istami' lil-khutba fi mawqi' al-masjid al-elektroni. Écoute le discours du vendredi dans le site de notre mosquée, mosquée Evry, E-V-R-Y. وهذا من نعم الله علينا في هذا العصر حتى الغائب ممكن أن يستفيد من الخطبة بفضل ما وصل إليه الإنسان بفضل الله تعالى وتبارك. Et ceci constitue une des grâces de Dieu pour nous, même lorsqu'on est absent, on peut, grâce à la technologie moderne voulue par Dieu subhanahu wa ta'ala, ne pas rater le discours du vendredi. رابعاً, quatrièmement, حفظ القرآن, mémoriser, apprendre par cœur le Coran. ولو صورة صفحة أو صفحتين في الشهر أضعف الإيمان. Au minimum, un chapitre par mois, un chapitre qui fait une page ou deux, ça c'est le minimum de foi. بدل الموسيقى بالقرآن. Frère ou sœur, remplace à partir d'aujourd'hui la musique, jette-la dans la poubelle. Remplace la musique par le Coran. وأنت في الطريق, quand tu es dans la rue, في السيارة, dans la voiture, dans le bus, dans le train, إلى آخره. راجع ما تحفظ. Révise ce que tu mémorises. وستحس بحلاوة لا مثيل لها. Et tu vas ressentir une joie, une douceur incomparable. فالقلب الفارغ من القرآن كالبيت الخريب. Le cœur vide du Coran ressemble à une maison en ruine. وحاول أن تقوم الليل بما تحفظ في نهاية الأسبوع. Et à la fin de la semaine, pendant le week-end, essaie de faire une veillée nocturne avec les sourates que tu as mémorisées. خامسا, cinquièmement, قراءة الكتاب الإسلامي ولو بالفرنسية. Lire le livre islamique même en français. يجب أن تكون لك مكتبة إسلامية في البيت. Tu dois, frère ou sœur, avoir une bibliothèque musulmane chez toi. على الأقل تقرأ كتابا في الشهر أو الشهرين, هذا أضعف الإيمان. Au minimum, frère ou sœur, tu dois lire un livre pendant un ou deux mois. Ça, c'est le minimum de la foi. Sadisan, sixièmement, صيام الاثنين والخميس. Jeûner tous les lundis et jeudis. كل أسبوع, chaque semaine. أو على الأقل صيام ثلاث أيام من كل شهر. Le minimum de la foi, c'est jeûner trois jours par mois. سابعاً, septièmement, اختيار أصدقاء مؤمنين تلتقي بهم. Septièmement, c'est choisir des amis, des copains croyants que tu vas rencontrer. Sahib, man idha ra'aytahu tadhakkarta Allah. Sois l'ami de celui que lorsque tu le vois, tu te rappelles automatiquement de Dieu. Hadha sahib la thamana lah. Cet ami n'a pas de prix. Hadha sahib hijab baynaka wa bayna an-nar. Cet ami constitue un voile entre toi et l'enfer. Utru kulla asdiqa as-su. Abandonne à partir d'aujourd'hui toute la mauvaise fréquentation. Thaminan, huitièmement, ta'atul walidayn, l'obéissance aux parents. Fahiya nurun ilahi, c'est une lumière divine que Dieu donne à ceux qu'il aime et celles qu'il aime. Ta'atul walidayn, nurun ilahiyun, yu'tihi Allahu liman ahabba min ibadihi. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. La désobéissance aux parents constitue l'une ou l'un des plus grands péchés. وهو نكران للجميل. Il s'agit d'une ingratitude. ولا تنفع معه كل العبادات. Avec cette ingratitude, aucune adoration ne peut te servir devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Si ton père ou ta mère sont fâchés de toi, Dieu et le messager sont fâchés contre toi. Tasi'an, neuvièmement, ibta'id an kulli anwa' al-haram. Éloigne-toi de tous les types et les sortes d'interdits en islam. Ibti'aduk anil haram, le fait que tu t'éloignes de l'interdit. Ibti'adun anil nar est un éloignement de l'enfer. Ibti'ad anil adab al qabr est un éloignement du châtiment de la tombe. Wa wuqu'uka fil haram wuqu'un fil nar, ta chute dans l'interdit est une chute dans l'enfer. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, يوم الأحد القادم, ce dimanche qui vient, هو عيد ألوين. Ça va être la fête d'Halloween. وهذا العيد عيد شيطاني حسب الكنيسة. La fête d'Halloween est une fête satanique selon l'Église. ونحن عندنا أعيادنا في الإسلام. Nous avons nos propres fêtes en islam. Wa alayna an nabqa muslimin, et on doit rester des musulmans purs et sincères. Min ghayri taqlid lil akharin wa li a'yad al akharin, sans imiter les autres ou les fêtes des autres. Nahtarimu al akharin, nubariku a'yadahum walakin la nuqallidhum. On respecte les autres, on respecte leur choix. On peut féliciter les autres pour leurs fêtes, mais on ne les imite pas. Wa taqabbal Allah min al-jami' wa waffaqana Allah jami'an lima fihi al-khayr lana fi ad-dunya wal akhirah. Allahumma inni da'in fa'aminu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wal 'afafa wal 'afwa wal 'afiyah fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah. Allahumma alif 'ala al-khayr qulubana وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب, يا من لا إله إلا أنت, نتوجه إليك في هذا اليوم العظيم, في هذا الشهر العظيم, في هذا المكان العظيم. يا رب احملنا أولادنا وبناتنا. يا رب أولادنا وبناتنا هم رجال الإسلام في الغد بفرنسا. يا رب إذا ضاع أولادنا ضاع الإسلام بفرنسا. يا رب كما حميت الكعبة احمي أولادنا, كما حميت وحفظت كتابك الكريم احفظ لنا أولادنا وبناتنا. اللهم حررهم من كل الطباع السيئة. اللهم اجعلهم مسلمين موحدين يحملون راية هذا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم وبارك